passion décomposé. Ce soir on s'aime encore à corps, au son des rythmes syncopés. Ce soir on s'aime jusqu'à la mort, au son des guitares sataniques. Ce soir je suis ton Vince Taylor, au son des rythmes électriques. On s'aime jusqu'à la mort, à poil rue des amours flingués. On crache la haine et puis on sort pour se finir sur le pavé. Ce soir on s'aime jusqu'à la mort, on rock'n'roll sur nos bâtons. Ce soir tu te fais des couilles en or, tu baises encore avec Satan. On joue au loto, on éjacule dans tous les bords, on pisse sur la gueule des fachos. Ce soir on s'aime jusqu'à la mort, comme les soldats qui vont crever. Ce soir on flingue tous nos remords, y'a pas de soleil sans l'amitié. Décomposer. Ce soir on s'aime encore à corps, au son des rythmes syncopés. Ce soir on s'aime jusqu'à la mort, au son des guitares sataniques. Ce soir je suis ton Vince Taylor, au son des rythmes électriques.